Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 31. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant: Voici, j'ai appelé nommément Bézaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de science pour toutes sortes d'ouvrages, pour inventer tout ce qui peut se faire par l'art, avec l'or, l'argent et l'airain, avec du marbre, des pierres précieuses et divers bois. Et je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Akissamec, de la tribu de Dan. Et dans le cœur de tout ouvrier habile, j'ai mis de la sagesse, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Le tabernacle d'alliance, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui est dessus, et tous les vases du tabernacle, la table et ses vases, le chandelier très pur avec ses vases, et les autels du parfum à brûler de l'holocauste, et tous leurs vases, le bassin avec sa base, les vêtements saints du ministère pour Aaron le grand prêtre et ses fils, afin qu'ils s'acquittent de leur office dans les choses sacrées, l'huile de l'onction, le parfum à brûler, composé d'aromates pour le sanctuaire. Ainsi ils feront tout ce que je t'ai ordonné. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Ayez soin de garder mon sabbat, parce qu'il est un signe entre moi et vous en vos générations, afin que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Gardez mon sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera mourra de mort. Celui qui travaillera en ce jour-là, son âme périra du milieu de son peuple. Pendant 6 jours vous travaillerez, au 7e jour c'est un sabbat, repos saint pour le Seigneur. Quiconque travaillera en ce jour-là mourra. Que les enfants d'Israël gardent le sabbat et qu'ils le célèbrent en leur génération. C'est un pacte éternel. C'est un pacte éternel entre moi et les enfants d'Israël et un signe perpétuel. Car c'est en 6 jours que le Seigneur a fait le ciel et la terre, et au 7e il a cessé son œuvre. Or le Seigneur, ayant achevé les discours de cette sorte sur la montagne de Sinaï, donna à Moïse les 2 tables de pierre du témoignage, écrites du doigt de Dieu. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.